Raymond Poirier, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien, toi? Ça va très très bien, merci. Ça fait 2 semaines qu'on s'est vus, là, puisque vous étiez en France exactement. La semaine dernière. Et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment un événement quand même assez attendu, l'Intelligent Community Forum, qui a dévoilé sa communauté intelligente de 2014. Il y avait quand même quelques villes canadiennes qui étaient en lice, un peu moins dans le top 7 que dans le top 21 où Québec et Montréal y figuraient, mais quand même. Et c'est finalement une ville canadienne qui l'a remporté, la ville de Toronto. Félicitations. Donc, félicitations évidemment à l'équipe là-bas. Qu'est-ce qu'on a décidé de mettre de l'avant? Eh bien, essentiellement, on retient du côté de l'ICF que Toronto offre une approche, offre un bel exemple de manière de fleurir grâce à la nouvelle économie, grâce à la façon dont elle a choisi de s'ajuster aux changements amenés par l'ère numérique. Et là, on parle d'accessibilité à l'information, d'utilisation des nouvelles technologies, aussi pour faciliter que ce soit le transport, les aménagements ou la gestion de la ville, là, finalement. Oui, mais en fait, l'exemple que vraiment, vraiment, vraiment, on souligne 3 fois, retenu l'attention de l'ICF, c'est dans son organisation urbaine. Dans la mesure où on dit, mais regardez, déjà d'emblée, Toronto part avec une bonne base, il n'y a pratiquement pas de manque d'emploi, ça va très bien de ce côté-là, l'économie va bien aussi pour la ville, malgré les troubles politiques des derniers mois. Et parallèlement, on dit, ben regardez, ils ont une économie qui est diversifiée, ils ont une présence d'entreprises clés dans des secteurs d'importance comme les médias, la finance, les technologies, la production, cinéma. C'est une ville qui est aussi multiculturelle. Il y a pratiquement de l'Internet sans fil accessible à 100% de la population, des universités, des collèges, etc., etc. Donc, ils disent, ben regardez, déjà, quand on regarde un peu l'état des lieux de la ville, il y a beaucoup de positifs quand on parle de communauté intelligente. Donc, évidemment, la vision un peu de l'ICF dépasse aussi, et de loin, l'utilisation simple des technologies. Donc, c'est plutôt de voir de quelle manière les villes ont intégré, ont utilisé ces éléments-là pour bonifier un peu leur service ou leur approche auprès des citoyens. Et donc, l'exemple qui a vraiment attiré l'attention de l'ICF, c'est la réalité de l'évolution urbaine du secteur, comme je le disais, dans la mesure où on avait remarqué au fil des dernières décennies que le centre-ville avait perdu un peu de sa puissance. Oui. Au profit oui. des banlieues. Donc, il y avait eu un certain appauvrissement au centre. Il y avait eu développement d'entreprises clés dans les banlieues. C'était même désert, là, pratiquement. Là. Exactement. Et donc, ils ont dit, mais regardez, Toronto a réussi à renverser la vapeur, à rendre à nouveau son centre-ville attrayant, mm-hmm. à y attirer des entreprises. Et l'exemple qui, le cœur un peu de ça, c'est le quartier Waterfront Toronto. Oui. Donc, c'est essentiellement le plus gros projet canadien de renouveau urbain. On parle de 800 hectares de rives, 40 000 logements, donc 1 million de mètres carrés d'espaces commerciaux. On dit, ben regardez, c'est un projet majeur et c'est un projet qui représente bien le virage oui. qu'a pris Toronto dans l'organisation projet de son qui est centre-ville. Très cher aux yeux de Kathleen Wynne, d'ailleurs, la première ministre de l'Ontario, qui y met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui passe aucun point de presse sans souligner finalement la mise en place de ce grand projet qui a été grandement subventionné par le gouvernement provincial. Et on voit avec le rapport de l'ICF que pour eux, ben ça semble avoir marqué beaucoup de points, ça semble en voie d'en marquer aussi pour l'avenir. Eux disent, ben regardez, c'est un exemple, donc c'est carrément la première ligne qui était dite. Alors, ce sera intéressant de voir évidemment comment tout ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est clair que cette visibilité-là, que cette orientation-là qui a été donnée au quartier, ben a payé. Alors, ce sera intéressant évidemment de voir les suites de tout ça, puisque le projet n'est pas encore entièrement complété, je crois, mais en voie de l'être. Mm-hmm. Et d'ici là, ben ce qu'on sait, c'est que donc cette firme un peu d'analyse et de proposition, ben a reconnu ce travail-là. L'Intelligent Community Forum, c'est essentiellement donc un groupe de spécialistes qui, à chaque année, font un concours international, invite les villes à soumettre des dossiers quand même assez imposants, assez volumineux, et ensuite vont en faire l'analyse. Donc, d'abord du dossier pour en retenir 21, donc le Smart 21 qu'ils appellent. Oui, oui, oui. Et ensuite, de ces 21-là, donc, ils vont en retenir 7 au terme d'un deuxième rapport un peu plus précis okay. qui met de l'avant différents points. Et une fois qu'on a le top 7 des villes intelligentes, eh bien là, ils vont envoyer des gens sur place okay. pour voir les lieux, pour voir les éléments qui étaient mis au rapport, pour ensuite prendre de manière collégiale une décision en en amont aussi avec d'autres types d'analyses qui sont faites pour choisir la ville numéro un. Et donc voilà. Tu parlais de petits problèmes politiques justement à Toronto. Pour ceux et celles que ça intéresse, le dernier sondage pour la mairie de Toronto, parce qu'il va y avoir une élection municipale bientôt dans la métropole canadienne, eh bien c'est Olivia Chow qui mène largement les sondages avec 38% des intentions de voix. John Tory est deuxième avec 28% et Rob Ford est très loin derrière avec 20% des intentions de voix. Donc, peut-être un peu plus de stabilité politique en plus qui viendrait rajouter une couche à ces grands projets-là. Si tel était le cas, ben Toronto reprendrait sa grande place de métropole du Canada qui est en train d'être de plus en plus donnée à Calgary, là, finalement. Et Jérôme, j'ai envie qu'on passe du Canada et qu'on saute complètement à l'autre bout du monde, vers l'Australie. Ah, le pays de Tony Abbott. Et je suis tombé sur un rapport assez intéressant sur des initiatives qui sont nées dans l'état du South Wales, qui est essentiellement l'état le plus peuplé là, de l'Australie. Et eux, faut dire de manière générale, quand on a l'occasion d'observer un peu ce qui est fait du côté de ce pays-là en matière d'intégration des technologies pour la gouvernance, pour les services aux citoyens et autres, eh bien, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Ils sont quand même assez loin, si on peut dire. Dans leur réflexion, dans leur constat, dans leur mode d'intégration. Et il y a l'État du South Wales qui a décidé de proposer en fait une espèce d'inventaire de 10 projets dans différents domaines qui, selon eux, peuvent aussi servir d'exemple, d'inspiration, que ce soit chez eux, que ce soit ailleurs. Et donc, ils répertorient une dizaine d'initiatives qui vont d'applications iPhone, d'applications Android, un peu comme on le fait ici, cela dit. En fait, je pense que tous les pays développent des hackathons, des compétitions de développement d'applications à partir des données ouvertes. Et eux, les trois applications qui mentionnent dans ce contexte, en fait, les deux applications, pardon, qui mentionnent dans ce contexte-là, notamment, c'est le Senior's Card. En fait, il l'a partout. Donc, l'idée que quand on est quelqu'un d'un âge un peu plus avancé, âge d'or, eh bien, on a des rabais, on a des options, on a des propositions. Eh bien, ils ont développé une application pour permettre et favoriser l'engagement des personnes âgées à l'intérieur de leur communauté et en parallèle, de leur donner de l'information sur leur droit à la consommation, leurs droits financiers, leurs droits légaux et aussi des rabais. Donc, pour les amener peut-être à trouver des valeurs ajoutées là-dessus. Quand même. Donc, quand même intéressant. Et c'est utilisé à partir de données directoires, si on peut dire. Donc, on va chercher l'information sur le web ailleurs et ça facilite un peu les choses. Il y en a d'autres aussi où ils ont mis l'ensemble des collections du musée australien, des archives, en fait, du musée australien. Donc, où ils ont essentiellement classé l'ensemble de ces informations-là. Donc, ça, c'est dans le classique. Mais il y a des choses qui sont un peu plus surprenantes aussi dans cet inventaire-là. Et notamment, c'est l'utilisation de la 3D dans les enquêtes policières. OK. Donc, quand même assez particulier. Donc, l'idée, évidemment, on le voit un peu partout, c'est pas toujours facile d'enquêter sur les lieux de crime. Donc, l'évidence, les preuves, ça se dégrade parfois assez rapidement. Oui. Faut agir vite pour aller chercher de l'information précise. Et souvent, après ça, pour retourner un peu à l'ambiance de la scène de crime, on doit utiliser plutôt des technologies photographiques, technologies vidéo et autres. C'est pas toujours idéal. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, la police de l'État du South Wales, c'est de construire des cartes 3D des scènes de crime en utilisant un scanner laser. Alors, rien de moins. Donc, comme ça, on se retrouve avec un modèle 3D qui a été capturé en temps quand même assez bref. Et à l'intérieur de ça, on peut en venir à imprimer même une scène 3D avec l'imprimante 3D. Donc, une scène de crime en 3D, donc une maquette où on peut faire des tests, des évaluations aussi, des choses comme ça. Donc, fini les longues enquêtes qui durent des jours et des jours sur les lieux, on l'imprime finalement et on fait ça en laboratoire. Oui, ou avec des simulations informatiques aussi. On a le modèle 3D qui est disponible avec le scanner, donc on peut faire des tests, on peut faire de la réalité augmentée, l'implanter dans la scène pour essayer de tester des hypothèses, etc., etc. Donc ça vient à changer un peu d'un côté la manière dont on fait les choses donc en enquête, et de l'autre côté il y a d'autres projets qui changent ou qui semblent en voie de changer un peu la manière dont on cherche des appartements. OK. Donc toujours complexe opération, et eux, ils ont créé un projet qui s'appelle Homes. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un répertoire des lieux disponibles et des listes d'attente pour des lieux non gouvernementaux ou des maisons un peu plus publiques, donc d'accès semi-public, si on peut dire. Donc, pour essayer de voir quels sont les appartements occupés, quels sont les appartements inoccupés, où sont-ils, quel est l'état dans des maisons, dans des lieux subventionnés par l'État, donc ici c'est par exemple les HLM et autres, quels sont les états dans le logement purement privé. C'est de l'information qui n'est pas toujours facile à aller chercher, évidemment, parce que ça implique que tout le monde la mette à jour. Exactement. Mais quand même. Mais quand même, on peut penser qu'un jour, les vices cachés ne seront plus des vices cachés, mais des vices accessibles, accessibles à l'information. Exactement, parce que il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont de toute façon déjà disponibles sur des répertoires. Donc encore là, quand on parle d'intelligence dans les données, ben c'est plus dans l'information qu'on est en mesure de colliger à partir des informations disponibles, mais qu'on est capable de mettre ensemble aussi. Imaginons maintenant que les bâtiments commerciaux se mettent dans cette danse-là, ben là, l'échange de bâtiments se facilite grandement. Et dans la même logique, ils ont fait avec leur service d'urgence. Donc souvent, en fait, il y avait un registre des incidents, des téléphones, des visiteurs qui allaient à la station, des choses comme ça. Donc qui étaient disponibles seulement en version papier, qui étaient stockés, il y avait des dédoublements, c'était complexe. Donc ça, ils ont complètement informatisé ça aussi, donc pour que ça soit plus facile à utiliser. Et en parallèle, mais ils ont décidé aussi, tant qu'à faire, si on peut dire, de rendre disponible et d'informatiser les tendances liées au crime et à la cartographie criminelle. Donc l'idée, c'est qu'avec un programme qui s'appelle Bureau of Crime Statistics and Research, donc le Boxcar, donc de permettre de rendre disponible donc l'ensemble des statistiques criminelles, pas d'informations plus de nature privée, mais d'informations de nature générale. Donc ce qui fait que ça permet avec ce crime tool-là qu'ils appellent, ben, d'avoir accès à de l'information cartographique sur les tendances liées au crime dans leur ville, dans leur secteur, savoir un peu quel type de crime, quelle tendance, visualiser sur des années, des décennies, etc. Donc, ça devient extrêmement intéressant aussi pour permettre à la population d'évaluer, de comprendre, de maîtriser cet aspect-là de leur secteur. Là. Wow! Et puis, je suis en train de voir sur le site web de la stratégie internationale canadienne, justement, qui a identifié l'Australie comme marché prioritaire dans le cadre de la stratégie commerciale mondiale et identifie particulièrement les technologies de l'information comme un débouché particulièrement intéressant, ne serait-ce que en matière de télécommunication, accès à l'éducation, on parle même de services de santé en ligne. Oui, mais en fait ils sont très forts là-dedans, en fait dans tout ce qui est santé en ligne notamment, ça ils sont sur le dossier depuis des années déjà, en fait, ils en sont déjà à faire des bilans un peu sur leur informatisation. Et quand on parle des archives nationales aussi, le State Library là-bas, eh ben ils ont rendu disponible en version digitale toutes les photographes, les manuscrits, les livres, les cartes, les images, histoire orale, journaux, artefacts. Ils ont une collection d'à peu près 2,2 billions de dollars. Et donc, ils ont réussi à digitaliser tout ça pour permettre un accès large à ces collections-là. Donc, c'est un travail de moine, évidemment. Ils ont mis en ligne aussi leur parole, donc leur l'office des condamnations et des libérations conditionnelles. Donc qui est disponible via l'informatique, donc à l'interne, ils utilisent le cloud, donc j'imagine vraiment qu'il y a une loi qui encadre ça quand même là, pour éviter que tous un chacun puisse y accéder. J'imagine. Sinon ça devient un peu louche aussi. Mais avec les on a des Américains au sud, hein, il faut toujours préciser ce genre d'information là pour être certain qu'ils comprennent très bien ce qu'on est en train de dire. Mais c'est un rapport assez stimulant, en fait, si vous avez envie d'aller voir un peu dans le détail ces case studies-là, si on peut dire. Le rapport s'appelle NSW Government ICT Strategy Case Studies, et on le trouve notamment sur l'Observatoire francophone des TI ofti.org, dans la section, d'ailleurs, tu mentionnais, enfin, ils ont beaucoup d'initiatives, et quand on va dans la section Océanie du site ofti.org, eh bien, on trouve vraiment là tous les rapports gouvernementaux des dernières années. Donc, ça donne déjà un beau panorama de ce qui se fait là-bas, et ça donne des idées aussi où ça nous fait faire des comparatifs avec ce qu'on fait ici. Donc, pour ceux et celles qui ont inventé des applications ou des logiciels de télécommunication, si vous cherchez une débouchée ailleurs qu'en Chine ou aux États-Unis, on vient de vous en trouver un très beau. Raymond Poirier, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Où est-ce qu'on peut vous retrouver là, finalement, pour avoir plus d'informations? itis.ulaval.ca ou sur Twitter @itis_ul. C'est magnifique. Raymond Poirier, on se voit la semaine prochaine. Sans faute. Excellent.